Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Dieu ne t'a pas oublié, mon frère. Dieu ne t'a pas oublié, ma sœur. C'est vrai, tu t'es sacrifié pour l'œuvre de Dieu. Mais sache que un temps viendra où le Seigneur va se rappeler de toi et le Seigneur va te bénir. Pour le moment, tu sens comme si c'est difficile, mais Dieu accomplira sa promesse. Cette année, avant la fin de l'année, tu verras un signe qui démontrera que le Seigneur est fidèle. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous allons prier. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Lisons 1 Corinthiens chapitre 4, 8 à 21. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons donc ce passage, 1 Corinthiens 4, 8 à 21. Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte. Puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez pas cependant plusieurs pères, puisque ce moi qui vous est engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous, mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge, ou avec amour et dans un esprit de douceur? Amen. Je voudrais partager avec vous trois vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Il y a un prix à payer pour le ministère que Dieu nous a donné. Lorsque tu es en ministère, tu dois savoir qu'il y a un prix à payer. Beaucoup de gens aujourd'hui s'engagent dans le ministère comme apôtre, comme prophète, comme pasteur évangéliste. Ils voient seulement le côté bénédiction, mais ils ne savent pas qu'il y a un prix à payer. L'apôtre Paul est en train de parler du prix qu'il a payé en tant qu'apôtre. Il n'est pas facile de servir le Seigneur. Lorsque tu acceptes de servir le Seigneur, sache qu'il y a un prix à payer, il y a une croix que tu vas porter. Et ici, nous voyons plusieurs éléments que l'apôtre Paul mentionne dans ce passage. Il y a environ 8 éléments. Lorsque nous servons le Seigneur, il y a l'humiliation. Vous voyez, quand il dit au verset 9 et 10, « Car Dieu, me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. » Tout ça, c'est pour montrer que tu peux être humilié à cause du Seigneur. Nous pouvons être considérés comme des fous, des hommes de rien. Nous pouvons, troisièmement, être considérés comme des hommes faibles et des autres sont comme des forts. Nous pouvons aussi connaître les mépris. Cinquièmement, nous pouvons connaître la faim, la soif, la nudité. Sixièmement, la persécution. Nous pouvons connaître les injures et enfin les calomnies. Vous voyez, toutes ces choses, l'apôtre Paul les a endurées. Il dit au verset 10, « Nous sommes fous à cause de Christ, Mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés jusqu'à cette heure. Nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Voyez, toutes ces choses, l'apôtre Paul les a endurées. Donc, soyons prêts aujourd'hui à endurer, à payer les prix du ministère. Deuxième vérité, les responsabilités d'un père spirituel. Nous avons trois éléments qui nous montrent ce que doit faire un père spirituel. L'apôtre Paul se considérait comme un père spirituel pour ses enfants, les Corinthiens. La première responsabilité consiste à avertir ses enfants spirituels. Lorsque, par exemple, tu es un père spirituel, une mère spirituelle, tu encadres quelqu'un, tu es peut-être pasteur, tu es responsable, tu as la charge d'avertir. Les avertissements, par exemple, c'est le fait de dire à quelqu'un, ne va pas dans tel programme. Lorsque, par exemple, ton fils spirituel, ta fille spirituelle veut aller dans un programme ou bien dans un milieu où celui qui est comme le berger ou l'homme de Dieu n'a pas un bon témoignage ou bien il enseigne une mauvaise doctrine, il faut l'avertir. Lorsque, par exemple, ton fils spirituel veut s'engager dans une secte, aujourd'hui, il y a des gens, parfois ils s'engagent dans des sectes, dans des mouvements occultes. Il faut lui dire, attention, si tu entres dans tel mouvement, tu risques d'ouvrir la porte à l'ennemi. Donc, il faut avertir les enfants spirituels. Oui, lorsque par exemple quelqu'un veut se marier, lorsque tu sens que ce mariage n'est pas de Dieu, tu as des signaux qui montrent que ce monsieur ou bien cette dame, elle est inconvertie, il faut avertir. Il faut lui dire, si tu t'engages dans ce mariage-là, tu risques de connaître des problèmes toute ta vie. Deuxième responsabilité, c'est d'être modèle. Le père doit être modèle. La meilleure façon de former un disciple, un fils spirituel, une fille spirituelle, c'est d'être modèle. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de faire ce que toi-même tu n'as jamais fait. Tu ne peux pas demander à ta fille, par exemple, de dire, je ne vais pas te voir avec des garçons pendant que toi-même, tu es en train de déconner en tant que mère. Ceci est valable pour les parents biologiques. Si tu veux éduquer tes enfants, il faut que toi-même tu sois le modèle. Tu ne peux pas dire à tes enfants, je ne veux pas que vous soyez au dehors, au-delà des 21 heures, pendant que vous-même vous retournez au-delà de minuit. Vous venez rarement à la maison, même à 20 heures. Donc les enfants vont suivre les modèles. Donc voici, l'apôtre Paul, il dit ici au verset 14, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous averti comme mes enfants bien-aimés. Vous voyez, il y a l'avertissement. Et il va dire au verset 15, car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. C'est pour dire qu'il faut avoir un père spirituel. Vous pouvez avoir beaucoup de gens peut-être qui vous ont aidé dans l'enseignement, qui vous ont aidé, qui ont prié, mais il faut apprendre à avoir un père spirituel, une mère spirituelle, quelqu'un vraiment en qui tu t'es confié. Donc, celui qui t'encadre. L'apôtre Paul, il revendique, il dit aux Corinthiens, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent comme des maîtres. Et il dit au verset 16, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour que quelqu'un dise cela à ses enfants, cela veut dire qu'il est sûr qu'il est modèle. Voyez, il faudrait que chacun de nous, en tant que parent biologique ou parent spirituel, tu dises par exemple à tes enfants, il faut être mes imitateurs. Imiter ma façon de prier. Imiter ma façon d'aimer. Imiter ma façon de grêcher. Imitez ma façon, par exemple, de garder la foi. Vous voyez, soyez mes imitateurs. Imitez ma manière de me conduire à la sanctification. Mais si réellement tes enfants spirituels ne voient pas ce modèle-là, donc il y aura donc un décalage entre ce que tu leur demandes de faire et ce que toi-même tu fais. Troisième responsabilité d'un père spirituel, c'est de déléguer ses responsabilités à ses disciples. Nous devons apprendre les principes de la délégation. Et ici, c'est pourquoi Paul a envoyé Timothée. Timothée, c'était son fils spirituel. Il y a des fois où lui-même devrait aller quelque part, mais il délègue Timothée. Au verset 17, il dit, « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. » Donc, Timothée, qui est son fils spirituel, est devenu comme un collaborateur dans l'œuvre. Donc, nous devons apprendre à former des fils spirituels qui deviennent même des collaborateurs au point où nous pouvons leur déléguer des responsabilités. Troisième vérité, ne soyons pas enflés d'orgueil par nos paroles, mais nous devons savoir que le royaume de Dieu consiste à la puissance et non en paroles. Il est dit ici, au verset 18, « Quelques-uns se sont enflés d'orgueil comme si je ne devais pas aller chez vous. » verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas sans parole, mais en puissance. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole. Vous voyez, lorsque nous servons le Seigneur, parfois nous pouvons prononcer plusieurs paroles. Moi, je suis ceci, moi, je fais ceci. Mais écoutez, les Corinthiens ont commencé à être en... Mais Paul rappelle que dans le ministère, nous ne devons pas seulement nous limiter au niveau de la parole, mais nous devons aussi démontrer la puissance de Dieu. Le royaume de Dieu ne se limite pas seulement en parole, mais en puissance. Et pour que nous puissions voir la puissance de Dieu, nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons être remplis du Saint-Esprit pour que Dieu déploie sa puissance. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ce chant. Jésus toute sa vie, qu'il est juste et bon, et reconnaître qu'il est Seigneur, qu'il est juste et bon, d'offrir à Jésus toute sa vie, qu'il est juste et bon, et reconnaître qu'il est Seigneur, ainsi devant son nom. Je viens mon sacrifice livrer, mon être au sauveur. Jésus, le grand libérateur, ainsi devant son autel. Je viens mon sacrifice livrer, mon être au sauveur. Jésus, le grand libérateur. Bon, d'offrir à Jésus toute sa vie, qu'il est juste et bon, de reconnaître qu'il est Seigneur, qu'il est juste et bon, d'offrir à Jésus toute sa vie, qu'il est juste et bon, de reconnaître qu'il est Seigneur. Ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être au sauveur. Jésus, le grand libérateur, ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être au sauveur. Jésus, le grand libérateur. Devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être au sauveur. Jésus, le grand libérateur, ainsi devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être au sauveur. Jésus, le grand libérateur. Son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être au sauveur. Jésus, le grand libérateur, ainsi devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être au sauveur. Le grand libérateur. gloire à Dieu. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma sœur. Et glorifie le nom du Seigneur. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur révérend Dieudonné Ngoumbi. Notre passage du jour, c'est 1 Corinthiens chapitre 4, versets 8 à 21. Nous allons prier le Seigneur pour tous ceux qui se sont engagés dans le ministère et qui traversent des moments difficiles. Il n'est pas facile de servir le Seigneur. Les pasteurs, les apôtres, les docteurs, oui, les évangélistes, ils endurent beaucoup de choses. Paul parle de l'humiliation. Ils sont parfois considérés comme fous, comme faibles. Ils connaissent les mépris, parfois la faim, la soif, la persécution, les injures, les calomnies. Nous allons prier pour que Dieu fortifie leur foi afin qu'ils demeurent fermes dans le ministère auquel ils ont été appelés. Prions le Seigneur. Père éternel, nous te bénissons ce matin, nous te glorifions, nous magnifions ton Saint-Nom pour tous tes bienfaits, pour toutes tes grandes réalisations. C'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous as équipés et c'est toi qui nous as envoyés pour contribuer à l'avancement de ton œuvre. Nous prions ce matin pour les servantes et les serviteurs de Dieu, à quelque niveau que ce soit. Nous demandons au Père éternel que tu les fortifies dans leur conditions, ceux qui traversent des moments difficiles, ceux qui sont humiliés, ceux qui sont harcelés, ceux qui sont méprisés au sein de leur communauté ou bien dans l'exercice de leur ministère. Nous demandons au Père éternel que par ton Esprit Saint, tu les encourages et que tu renouvelles leur force parce qu'ils se confient en toi. Nous prions et nous nous élevons contre tout obstacle, contre toute embûche dans l'œuvre des servantes et des serviteurs de Dieu. Que toute manipulation, que tout blocage, que tout obstacle, que toute forme de mépris, toute forme de rabaissement soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Accorde à tes servantes et à tes serviteurs la grâce, la force pour surmonter tous ces défis et toutes ces difficultés, afin qu'ils puissent être de dignes représentants pour contribuer à l'avancement de ton œuvre. Nous disons merci, Père, parce que nous mettons notre foi, nous mettons notre confiance en toi. Lorsque tu appelles et que tu envoies, tu pourvois à ce qu'il faut pour cette mission. Merci pour toutes choses. Merci pour la sécurité. Merci pour la protection. Et merci pour l'espérance en ton Fils Jésus-Christ. C'est en son nom que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir la responsabilité d'un père spirituel. Il doit avertir ses enfants, être modèle, déléguer des responsabilités. Si tu es un père spirituel ou tu es un père biologique, une mère biologique, tu vas prier pour que réellement ces choses qui sont énumérées ici soient évidentes dans ta vie. Que tu apprennes à avertir tes enfants, que ce soit les enfants biologiques, soit les enfants spirituels, que toi-même tu sois un modèle. et que toi-même tu apprennes aussi à déléguer des responsabilités. Prions le Seigneur. Gloire et honneur à notre Dieu, le tout-puissant maître des cieux et de la terre. Que ton nom soit loué. Merci parce que tu nous as donné Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui est notre modèle par excellence, qui est notre Dieu. Et en dehors de lui, nous n'avons point d'autre Dieu. Merci Jésus pour ton esprit que tu nous as donné. Tu nous as fait grâce d'être des parents. Tu nous as fait grâce d'être des pères spirituels. Et ce matin, nous voulons te dire infiniment merci pour cette opportunité que nous saisissons en tant que parents pour nous rappeler notre identité et la mission que tu nous confies, pour nous rappeler un de nos bénéfices, de nos droits, pour connaître notre engagement vis-à-vis de ces enfants que tu nous as confiés. Par conséquent, nous prions que ce soit ces enfants spirituels-là ou les enfants biologiques, qu'en tant que papa, que nous soyons des exemples, qu'en tant que mère, nous soyons des exemples dans notre témoignage, dans notre manière de faire, que ce que nous disions, nous l'appliquions, qu'on nous voit comme des véritables enfants de Dieu qui craignent Dieu dans tout ce que nous faisons, partout où nous sommes et dans tout ce que nous entreprenons. Seigneur, merci parce qu'étant donc des modèles pour ces enfants physiques et spirituels que tu nous as donnés, nous voulons leur apprendre à être responsables en leur déléguant, en leur confiant des tâches précises, des missions à accomplir et en leur déléguant certains privilèges et droits que nous avons. Merci pour cette responsabilité que tu nous donnes de préparer ces enfants, de leur montrer leur identité, de leur montrer leur capacité, de leur montrer qu'ils seront aussi demain des leaders, ils seront aussi des parents. Merci Seigneur notre Dieu. Accompagne-nous avec ta grâce aujourd'hui encore. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous avons élevé la voix. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous communique un esprit d'humilité et non d'orgueil. Et nous allons prier pour que dans notre vie, Dieu démontre et manifeste sa puissance. Parce que nous venons de voir que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais en puissance. Tu as dit, Seigneur, je veux que tu manifestes ta puissance dans ma vie. Je veux que tu manifestes ta puissance dans mon ministère. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Tendre Père, ton nom est merveilleux, ton nom est glorieux. Nous te rendons grâce et nous te bénissons ce matin parce que c'est toi qui exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Nous prions ce matin au Père éternel et nous demandons que tu nous accordes un esprit d'humilité et non d'orgueil. Accorde-nous au Père éternel cet esprit d'humilité afin que nous puissions savoir comment prendre du recul, afin que nous puissions savoir comment recevoir de toi avant de transmettre, afin que nous ne puissions pas faire des choses par nos propres forces, que nous reconnaissions que c'est toi qui crée en nous la vie, le mouvement et l'être. Nous déclarons que tout esprit d'orgueil en nous est lié au nom de Jésus-Christ. Nous nous désengageons de toute forme d'élévation et nous nous abaissons, nous mettons notre confiance en toi afin que tu nous élèves. Nous prions aussi au Père éternel et nous demandons que dans l'exercice de notre ministère, ta puissance puisse se manifester, ton onction puisse se manifester, afin que la différence puisse être véritablement vue, que la différence puisse être évidente. Ta parole, ô Père éternel, prêchée est soutenue par ton Esprit Saint, et que le fruit de la prédication, le fruit de l'enseignement, le fruit de notre ministère soit vu et exprimé sous la forme de la manifestation de ta puissance. Merci Père éternel, parce que tu équipes tes saints pour contribuer à l'avancement de ton œuvre. Nous te rendons grâce, nous te bénissons et nous te glorifions chaque jour pour le privilège, la grâce que tu nous as accordé. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.